Plage 7. La ligne du temps. Les bénéfices obtenus grâce à l'exercice que je vous propose maintenant sont tellement importants que tous les praticiens en PNL l'utilisent. Mais lorsqu'on lui adjoint le pouvoir de Ho'oponopono, ses résultats sont quasi miraculeux. Vous pouvez l'utiliser afin de vous libérer d'un événement du passé, comme par exemple si vous avez été témoin ou victime d'une scène violente, si vous avez été traumatisé par le divorce de vos parents ou bien le vôtre, ou encore si vous avez subi des discriminations ou des remontrances étant enfant. Car ces moments de votre vie ont, sans aucun doute, implanté en vous des programmations handicapantes dont il serait bon de vous libérer. Grâce à ce qui va suivre, vous allez pouvoir vous défaire de ces mémoires avant même qu'elles n'apparaissent en vous. Toutes les situations sont possibles et vous n'avez besoin que de 3 choses pour effectuer ce nettoyage. Sélectionner l'événement en question, vous souvenir de l'âge que vous aviez ou bien de l'année au cours de laquelle il s'est produit, et d'un peu de place dans la pièce où vous procéderez à ce recadrage. Pour commencer, gardez les yeux fermés et respirez profondément. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Vous êtes toujours en contact avec votre mental, votre subconscient, votre moi supérieur et le divin qui est en vous. À chaque respiration, vous êtes un peu plus enraciné dans votre être profond. Laissez votre souffle vous amener là où il le désire. À présent, vous ouvrez les yeux lentement, calmement, tout en conservant cette paix qui est en vous. Puisque cet exercice se fait debout, je vais vous demander de vous lever maintenant, toujours aussi calmement. Imaginez une ligne blanche d'environ 2 à 3 mètres de long, peinte sur le sol. À peu près au milieu, visualisez un repère, une marque, qui représente le présent. Placez-vous dessus. Maintenant, déterminez quel côté de votre ligne définira le passé et quel côté indiquera l'avenir. Visualisez à présent des repères indiquant le nom des années ou bien votre âge. Vous pouvez les créer pour chaque année ou bien par tranche de 5 ans en 5 ans ou pourquoi pas de 10 ans en 10 ans. Le tout est que vous les voyez commencer à votre naissance en allant vers le passé et qu'ils se poursuivent sur plusieurs dizaines d'années en direction du futur. Prenez un instant pour observer cette ligne du temps qui représente votre vie. Observez-la. Au besoin, promenez-vous dessus. Maintenant, je vais vous demander de vous diriger sur votre ligne du temps en direction de votre passé. Faites-le calmement, d'un pas serein. Et arrêtez-vous sur le repère qui indique l'année au cours de laquelle s'est produit l'événement sur lequel vous souhaitez travailler. Prenez un instant pour songer à lui ou à la situation en question. Au besoin, fermez les yeux et laissez-vous envahir par les sentiments qu'il vous inspire. Revoyez ce qu'il s'est passé, ce que vous avez vu, entendu, touché ou senti à ce moment-là. N'ayez pas peur de vous confronter à vos sentiments. Laissez-les affluer en vous. Maintenant, franchissez une année de plus en direction du passé. Placez-vous sur le repère qui indique l'année précédant cet événement, à un moment où vous ne l'aviez pas encore vécu. Et tournez-vous en direction du futur. Prenez un instant pour vous remémorer comment vous vous sentiez alors, avant que cette situation survienne dans votre vie. Vous sentiez-vous plus sûr de vous, plus fort, plus intrépide, plus heureux? Laissez tous ces sentiments vous submerger. Sentez cette force et ce bien-être, qui était alors le vôtre, se concentrer au niveau de votre plexus solaire. Laissez-le prendre à nouveau possession de tout votre être, comme si cet événement ne s'était jamais produit, ce qui est le cas puisque vous êtes placé un an avant qu'il se déroule. Gardez cette force bien vivante en vous, ainsi que cette envie fougueuse que vous avez de vous débarrasser de l'impact de cet événement et des mémoires erronées qu'il a engendrées. Regardez fixement en direction de votre avenir, rempli de joie et d'optimisme, et dites à haute voix avec autorité et énergie, avec l'aide de l'énergie divine qui est en moi, avec l'aide de l'énergie divine qui est en moi, je nettoie maintenant, toutes les mémoires futures liées à, nommer l'événement concerné, avant même qu'elle se manifeste dans ma vie, Et maintenant, fermez les yeux et restez debout pendant que nous nettoyons ensemble toutes ces mémoires à venir. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Rouvrez les yeux et regardez votre ligne du temps, toujours en direction du futur. Vous venez de nettoyer des mémoires handicapantes liées à cette situation avant même qu'elles s'implantent en vous, comme si elles n'avaient jamais existé. Ressentez la légèreté qui jalonne maintenant votre ligne. Promenez-vous sereinement dessus, en allant du passé au futur et du futur vers le passé. Constatez à quel point les choses ont changé. Allez dans la partie représentant le futur et prenez plaisir à y demeurer, en sachant qu'elle est débarrassée de ses programmations négatives. Revenez maintenant sur le repère indiquant le présent. Gardez vos deux pieds enfoncés dans le sol. Enracinez-vous avec force, comme un chêne centenaire que rien ne pourra abattre. Vous vous sentez sûr de vous, solide, inatteignable, heureux d'être ici et maintenant. Je vous invite à refaire cet exercice fréquemment. Et pour un seul domaine ou sujet à la fois, vous n'en retirerez que des bénéfices. À présent, si vous souhaitez poursuivre avec d'autres nettoyages, je vous invite à vous rasseoir, à fermer les yeux et à respirer profondément. Et si vous désirez interrompre votre séance de Ho'oponopono maintenant, alors prenez tout votre temps pour revenir à cette nouvelle réalité qui est désormais la vôtre.